Shooter au PTML. Alors. Paris ne fait que pour le bénéfice. On a tous mis un doigt sur le bénévolat. Un marteau trafiqué qui est l'épice. Si tu cries pas un rail, faut te pénétrer là. Quand j'ai toujours rêvé tout du violet, parce que j'avais passé les mecs, elle est durée longtemps. Je les avais prévenus que le parcours serait violent. Qui va manger le béton pour durer à long terme. Dans le quartier, j'ai dû perdre mon temps. Je tenais pas de CV, donc pas perdre du taf. Hiver sous charbon et tissant le manteau. Les délayants, je suis en grave peur du staff. Ils croient assis à terre, j'serai assis à terre. Ouais, elle s'y voit déjà dans ma prochaine gratte-ciel. Et puis je regarde vos trucs sur un petit Apple. Je me dis que j'ai rien à craindre, roule un petit après. Je me vénère sur une piave. Et je crache toute la haine sur un titre après. Parfois inutile, je fais que pilonner. Ils savent que des chants c'est des parodies. Qu'à pêcher sur le stand, j'ai dû piloter. Mauvaise dégaine, c'est des parodies. Allo, allo, répondeur, faut que je me sorte à l'heure. À l'aide, j'ai un faut que je ressorte à l'heure. Allo, allo, répondeur, faut que je me sorte à l'heure. À l'aide, j'ai un faut que je ressorte à l'heure. J'ai connu la misère, mais l'aide ne tient jamais nos morts. J'aurais tout promis, je vais tout à long terme. Je rencontre les bénéfices juste pour voir si j'ai perdu mon temps. On trouve le sourire que quand j'ai rentré, j'y allais faire. Là où ça vile, les barrettes empilées. Pour l'eau, ça la file. Platier à vos dîners. J'suis pas loin de ma ville. Problème à la file. Dans ma tête c'est la ville. C'est sans rien qu'on dirait. Qui tu vas emprisonner mais pas ton cœur prédit quoi. Viens me dire. Eux ils ont rien, ils sont juste remplis disquets. Tiens, unique de coups, tu sens bien qu'on est près du score. Le prolix en vise, on est fait, on fait pas du score. Boulon, je suis gros, c'est pas du score. Pas dans votre jeu, pourtant pas du score. J'ai vu la police, là, on pas escar. Donc le brosseur, faut même pas escourir. Tu me connais, fils de monte le son. J'viens de là où les petits te disent, monte la scène. En cours, y'avait pas de mention dans le texte, ça sent la drogue, fallait que je te monte la scène. T'appelles tardivement, donc elle monte la scène. Vends le polo sur la langue de Guy, mon passant. Sur un scooter connu, les decks me chassaient. Dans le balade de police, deviens mon patient. Sous garde de montagne, sous garde barreau dans la nuit. Sous garde pour s'atteigner. Ça crie les méchants, rentre dans la niche. Allo, allo, répondeur, faut que je me sorte à l'heure. À l'aide, chien, faut que je ressorte à l'heure. Allo, allo, répondeur, faut que je me sorte à l'heure. À l'aide, j'ai un faut que je ressorte à l'heure. J'ai connu la misère, mais l'aide ne tient jamais longtemps. J'aurais tout promis, je vais tout à long terme. Je rencontre le bénéfice juste pour voir si j'ai perdu mon temps. On trouve le sourire que quand j'ai rentré, j'y allais faire. Là où ça vile, les barrettes empilées. Pour l'eau, ça la file. Platier à bon dîner. Je suis pas loin de ma ville.